ma bêche la tijou, les mêmes têtes vidables la maman, mon père côté ma bébé, hier soir à dormir, rate la mort des voies d'un pied, où était ma terre à maman, mon père dormi soir, hier soir à dormir, rate la mort des voies d'un pied, où était ma terre à maman, mon père dormi soir. Comme ça. voter, pour voter, pour voter. Oui. Thank you. Salvador. Raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton. Oui, t'es ma théa, et t'es ma lèvre. Bon, capable mi maman. Oui, maman. Papa dormi. Raton. Avançons, mais dormi, ne vit qu'à planche. Et je bois même.